de partir avec un tremblé dans la ville de Preston Manning, où y a pas de bar sans karaoké et les remontants sont des bars hantés venant découler 80 jours dans le grand nord canadien. Ma main m'a mal fait l'amour, je veux qu'une fille me donne un bain. Tu tombes vraiment bien ce soir au vernissage, on pourra être malin. En passant par le Manitoba, on a fait une halte à Winnipeg. On s'est trouvé une place qui sonne, j'ai embrassé une Allison. C'était facile dans mon état, avec encore un teint volleyball. Des franco-provinciales en cavale, il fallait nous trouver des drogues. Vous tombez vraiment bien ce soir jusqu'à demain, on s'en va voir le match. On a détrôné toutes les maladies, je suis un pavé et tu l'es aussi. Nous sommes indolents jusqu'à lundi, c'est dans ce soir que j'investis. Débordant de motivation, comme quelqu'un qui sort de prison. Mes vaisseaux sanguins en soif d'action, comme un soldat revenant de mission. Non, tu te payes, ferme la porte.